dam. Mettre la paillasse sa vanga. Sa kalala, la pina glabla. Boudi boudi, li pou danse. Dans tout côté, li pou tourne. Mettre les go devant, sur les go derrière. Li tourne, li tourne. Il met son corps devant et son corps derrière. Li tourne, li tourne. Mettre les go devant, sur les go derrière. Li tourne, li tourne. Il met son corps devant et son corps derrière. Li tourne, li tourne. Les go devant, sur les go derrière. Les tourner, les tourner.